بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel marqué de constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ce dont il témoigne, périssent les gens d'Al-Uhdoud. Feu sans cesse alimenté, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Témoins du supplice qu'ils infligeaient aux croyants, ils n'avaient rien à leur reprocher, sinon de croire en Dieu, le puissant, le digne de louange. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Dieu est témoin de toutes choses. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Certes, ceux qui persécutent les croyants et les croyantes et ne s'en repentent pas subiront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Certes, ceux qui croient et font le bien auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ce sera là le grand succès. Inna batasha rabbika lashadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Certes, la rigueur de ton Seigneur est très sévère. Certes, c'est lui qui commence la création puis la refait. C'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Le Seigneur du trône, le glorieux. Il réalise à la perfection tout ce qu'il veut. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. T'est-elle parvenue l'histoire des armées de Pharaon et des Thamoud? Et pourtant ceux qui ne croient pas persistent à démentir. alors que Dieu à leur insu les cerne de toutes parts. En vérité, ceci est un Coran glorieux, préservé sur une tablette auprès de Dieu.